Je me souviens, j'avais parloir une heure avec ma femme. J'enfilais mes baskets et mes jogos tout feu. Nos MZ rentraient des Big Mac. On faisait des micmac, on s'embrassait en fric vrac. Comme ça quand les flics plaquent. Retour dans ma cellule, aller-retour en promenade. Je lui disais que j'allais sortir, je lui passais de la pommade. Bagarre sous le préau, du sang sur les vrelets. Donne-moi des news de trollo, j'attends toujours ça treler. Ouais, quand je vais sortir, on fera les magasins. Ouais, je t'offrirai mieux que du mauboussin. Ouais, tu seras en talon, je serai en mocassin. Ouais, et on fera taire tous ces fantassins. Tu sais ma chérie, je suis un extolar. Les gens me guettaient comme si j'avais Ebola. Ma vie c'était un film, c'était un polar. Et j'étais prêt à tout pour les dollars. Tu sais ma chérie, je suis un extolar. Les gens me guettaient comme si j'avais Ebola. Ma vie un film, c'était un polar. Et j'étais prêt à tout pour les dollars. Devant la juge, j'ai toujours menti sous serment. Mais devant toi, j'ai toujours parlé sincèrement. Tu me disais qu'une fois dehors, je t'oublierais sûrement. Tu me connaissais mieux que moi-même, mais si seulement j'avais su faire, j'aurais dû me taire. T'avais du flair, et j'ai fait le fier. Mais t'as su me comprendre et m'entendre. Il t'a fallu attendre et tout prendre. Ouais, quand je vais sortir, on fera les magasins. Ouais, je t'offrirai mieux que du mauboussin. Ouais, tu seras en talon, je serai en mocassin. Ouais, et on fera taire tous ces fantassins. Tu sais ma chérie, je suis un extolar. Les gens me guettaient comme si j'avais Ebola. Ma vie c'était un film, c'était un polar. Et j'étais prêt à tout pour les dollars. Tu sais ma chérie, je suis un extolar. Les gens me guettaient comme si j'avais Ebola. Ma vie un film, c'était un polar. Et j'étais prêt à tout pour les dollars. Contrairement à moi, t'as été une fille stable. Contrairement à moi, t'as toujours été fiable. C'était grandiose comment j'étais minable. Dévouée et patiente, t'étais niable. Contrairement à moi, t'as été une fille stable. Contrairement à moi, t'as toujours été fiable. C'était grandiose comment j'étais minable. Dévouée et patiente, t'étais niable. Tu sais ma chérie, je suis un extolar. Les gens me guettaient comme si j'avais Ebola. Ma vie c'était un film, c'était un polar. Et j'étais prêt à tout pour les dollars. Tu sais ma chérie, je suis un extolar. Les gens me guettaient comme si j'avais Ebola. Ma vie un film, c'était un polar. Et j'étais prêt à tout pour les dollars.